les chevaliers du sourire. À son commandement, l'armée va fleurir. Ils sont au garde à vous, trois rayures autour du cou, un gros poivre sur le pied, un trait rouge sur le nez. La cravate en ficelle vole au vent sur la bretelle. Le général a parlé. Derrière en sifflant, suivi des toupies soldats qui vont chantant. Si vous voyez passer un général, je ne